du sale, que du sale, que du sale. De la baie. Charo, c'est Charo. Tu cours ou tu cours? Mais revenez, mais revenez. Mais pourquoi vous courez? Mon gavant des gavants, gavant des gavants. 24 sur 24, ça contre des plafonds. Et si c'est Charo, mes négros sont bavons. Moi dans le bendo, j'ai le diplôme du brave. J'suis à la salle, j'fais mes bravas. Bravo. J'suis venu représenter Brazza. J'ai des métis comme au Brésil. Choqué. Ce soir, j'vais pas finir bredouille. Ah non. Qui veut me chercher des palabres? Qui va finir avec des balafres? Voilà. Toujours un flingue quand j'me balade. Normal. Ma chérie trouve que j'suis malade. Oh, bendo na bendo. J'contrôle le game, un peu comme Nintendo. Violent c'est violent, Charo c'est Charo. Charo. Oh, seigneur, j'suis barjo. Elle a lâché son mogo. Coro des Zifu. Donc c'est Zifu des coro. Oh, Zifu des coro. Tá um pouco.